On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos mères? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl I fell in love with. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, 19h, 20h30, et je ne suis pas seul ce soir, je vous l'avais annoncé, cette émission, c'est toujours une joie sans mesure que j'ai de le recevoir. Bonsoir monsieur Mathieu Dufaux. Bonsoir monsieur Manu Bourdier. Donc il est caché, je vous explique, il est quand même caché derrière un écran, un ordinateur masqué, mais pourtant je vois le haut de ses cheveux, et il a le cheveu frétillant, puisqu'il va quand même vous proposer ce soir une programmation de l'Astrolabe, ce rendez-vous qui vous est cher dans The Rocks, de janvier à mars 2022, on va même se passer un petit coup de truc qui va passer en juin. Alors voilà, malgré les aléas, malgré tout ce ras-la-casquette qu'on peut ressentir lorsqu'on organise des concerts, et un peu, a fortiori des concerts debout, on va en causer tout à l'heure avec Mathieu, bah, y a quand même des bien belles choses qui viennent, qui arrivent, qui sont maintenues, et y a une très très belle programmation. On va décortiquer ça ensemble, si tu le veux bien, mon cher Mathieu. Avec plaisir. Tu vas bien ? Je vais bien, ouais. Ouais. C'est une bonne nouvelle. On va commencer avec le coup de cœur, comme d'habitude, avec un nouveau logiciel à ma droite sur l'ordinateur, donc je risque de bien planter ce soir, donc ça sera de ma faute. Il sera en concert, non content d'avoir livré ce qui est pour moi, à mon avis, le meilleur album de l'année passée. Et il sera en concert à La Cigale le 16 février prochain. Ça va venir vite, j'y serai. Il y aura des invités sur scène, plein de monde. Yeli qui viendra faire un petit coucou. C'est Pierce Faccini qui vient de livrer un nouveau morceau où, comme à son habitude, il mélange dans son grand chaudron la folk à l'anglaise et la musique. Là, on va plutôt faire un tour du côté du blues malien avec ce morceau-là. Il le fait quand même très bien. Si je ne m'abuse, Pierce Faccini n'est jamais passé à l'Astrolabe. Bien sûr que si, cher ami. Mais oui, bien sûr. Mais il y a très longtemps. Première boulette. Très très très longtemps. Et donc là, je ne serais pas en capacité de vous dire. Je pense que c'est dans les premières années du 21e siècle. D'accord. Il est venu. C'est vrai qu'après il est pas, on l'a pas suivi sur tous les albums, loin de là. Mais si, il est venu une voire deux fois, je sais plus. D'accord. Bon, eh bien, on va se passer ce soir son dernier extrait. C'est, j'ai déjà fait une petite plante. Un extrait de son, pas de son album d'ailleurs. Et juste après, quelqu'un qui est, alors je m'en souviens très bien, elle est passée également à l'Astrolabe. Elle vient de sortir un morceau assez fantastique, mais bon, elle en est coutumière. On se passera ça juste après. Eh bien, tu vas poser l'oreille là-dessus, mon cher Mathieu. Tu vas me dire ce que tu en Nathalie Amking, je dis ça au hasard. Pas du tout. Alors là, mais alors moi, mon pauvre garçon, pas du tout. Ça s'appelle de l'inception, non? C'est parti, je n'entends pas. Je dois avoir un bug au casque aussi. C'est parti. Bonsoir, c'est Pierce Faccini pour On the Rocks. They went down to the river, found a riverbed dry. Fall apart. where the nightingales play. They bow down to the North Star as the last note was sung. With the sins of the fathers, their whole world was done. Vous écoutez On The Rocks avec Mélissa Leroux. Logiciel. C'était donc Mélissa Lavo à l'instant avec Papessa, c'est son dernier morceau et j'ai un beau souvenir de Mélissa Lavo à l'Astro, c'est un joli concert. Ouais, c'était il y a quelques, c'était avant le Covid, mais c'était il y a deux trois ans avant, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai retrouvé Jeff Faccini. Ouais, le 2 février 2005. Ah, j'étais né. T'étais né, ouais, moi aussi, je crois. Et c'était sur le label Bleu, qui est un super label. Oui. Et je crois qu'il était venu avec Red en première partie. Oui. Et ben, je me souviens, en fait, et j'avais fait l'interview. Ouais. Oui. Et Red, c'est pareil, c'est un artiste qui joue encore, heureusement. Qui a des albums qui sont chouettes. Il a fait plein de trucs, hein, mais voilà. Ouais. Oui, c'est à l'époque de son premier album. Et là, je retrouve une archive de France Inter, radio complémentaire à Radio Arc-en-Ciel, qui annonce même les tournées. C'est à l'époque où Isabelle Dordain animait Le Pont des Artistes. Très bonne émission. Ouais. Qu'elle a continué à animer d'ailleurs sur le net. Sur le net, ouais. Ouais, ouais. C'est une super nana. Ouais. Super nana. Ouais. Donc Mélissa Labo à l'instant avec Papessa et puis juste avant donc Pierce Faccini. Je vous raconterai le concert le 16 février à la Cigale. Avec plaisir. Ça va être bien sympa. Ouais. Alors on est un peu à la bourre, hein, mon cher Mathieu. Tu le sais bien puisque là on parle de la programmation qui va de janvier à mars et on est fin janvier. Il y a déjà eu des choses. Non, il y a eu qu'un truc. Bah, c'est des choses. Ouais, c'est des choses. C'est deux mêmes. C'était Chatin, le duo composé de deux Orléanais qui rassemble Quentin Biardot et puis Chacha Akabourg et Boogers, ouais, qu'on a vu sur la grande scène à l'ouverture de Hop Hop Hop cette année. Là, ils ont eu la chance de jouer dans la grande scène de l'Astro face à des gens qui étaient assis, puisque rappelons, jusqu'au 15 février minuit, nous faisons des concerts assis à 160 personnes. Masqués, bien évidemment. On peut boire des verres, mais pas dans la salle, pendant le bar. Très pratique, très, très, très convivial. Et on ne peut boire que 3 gorgées de suite. C'est tellement le fun en levant le bras droit et en disant je le jure. C'est ça. Donc voilà. Mais ça, c'est bien. On fait des concerts quand même. Et puis eux, ça se prêtait bien aussi à du assis. Donc il y avait eux. Et qui était bien. C'était un très très beau concert avec la présence du saxophone sur deux morceaux que Quentin n'utilisait pas jusqu'à présent, qui sont assez pertinents son utilisation. Et puis pas perdu comme ils avaient pu l'être un peu sur la grande scène de Pop Up. Là, ils étaient plus à l'aise. Ouais, avec une cage de scène avec du noir et des lumières, donc ça c'est plus chaleureux. Et ensuite Malik Joudi, qui le pauvre a pris le matin avant de partir à Orléans, que son batteur avait le Covid. Donc Malik est parti dans le train et ils ont trouvé une boîte à rythme, mais une ancienne boîte à rythme. Parce que toi, par exemple, t'aurais pas pu le remplacer, par exemple. Non, personne non plus. Mais je pense que la boîte à rythme a déjà fait son effet, c'est-à-dire qu'ils ont bossé pour faire tout le set de Malik, accompagné du chanteur Malik, clavier, guitare, et puis de ses deux autres musiciens, avec un kick de batterie en fait sur la boîte à rythme. Mais il fallait le programmer touche par touche. Et oui. Ils n'ont pas eu le temps de mettre des snares ou autre chose, c'est-à-dire les cymbales, ce qu'on appelle, voilà. Mais au moins, ce kick-là de batterie, c'est-à-dire juste marquer le tempo de façon analogique, mais sans humain derrière. Et ils ont pu faire leur set parce qu'ils ont envie de jouer, ces musiciens, malgré tout. Et ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué. Et que Malik, il défend un album, un troisième album. Et voilà, une belle soirée qui se coordonnait bien, les deux groupes complémentaires. On était 150, contents de retrouver Malik Joudi qu'on a déjà accueilli au Pop-Up sur le premier album. Donc voilà, et vivement les prochains. Alors voilà, faut avoir la foi en ce moment pour organiser des concerts. Ouais, il faut avoir la foi, et puis il faut avoir la foi parce que on passe depuis un an et demi. On a commencé par vivre ça et puis à s'organiser. Donc déjà, on pouvait pas travailler comme tous les Français dans nos lieux de travail respectifs. Donc ça, voilà. Mais on a au-delà de faire des CTRL-C, CTRL-V, CTRL-DELATE et consigne de reporter machin, à un moment collectivement à l'Astrolab, on a essayé d'imaginer des formats, de plein de choses quand même. Dès qu'on a pu ouvrir aux salariés la salle, mais pas au public. Donc on a chevauché le tigre, comme dirait l'autre, et on s'en est bien sorti, en tout cas en termes d'activité, de lien avec l'équipe. C'est important. Tout le monde n'est pas. Bien sûr. Tout le monde, c'était pas évident, et tout le monde l'a pas traité de la même façon, préparé, etc. Et puis après, là, il rebelote pour cette rentrée. Je dois dire qu'on en a un peu marre et usé de chevaucher le tigre. D'autant plus qu'il y a une iniquité dans le traitement des ERP, des établissements recevant du public. Je t'en parlais hors antenne. C'est-à-dire que quand on fait ses courses à Auchan, on est debout avec son masque. Quand on est à l'Astrolab, on est assis. Et puis quand on est dans les salles de danse et théâtre, qui eux sont toujours assis, on est assis. je ne comprends pas. On réclame une équité de traitement, tout simplement. Et on aurait pu, dès janvier, dès janvier, reprendre les concerts tels quels. On s'est mobilisé avec nos syndicats d'employeurs, pas que. Et puis, voilà, il y a eu plein de relais médias là-dessus. Nationaux comme régionaux, et je pense que ça a eu son petit lot son petit effet. Et effectivement, à partir du 16 février, nous pourrons les reprendre, les concerts debout, sûrement masqués, j'imagine. Mais voilà, on sait accueillir du public, c'est notre métier, on sait partager, on sait respecter des règles de protocole sanitaire. Vous avez des gens responsables. Bah voilà, on est des gens qui gèrent du public à hauteur de 500 personnes, donc on fait gaffe, on l'accueille avec bienveillance. Et pas depuis hier. Et toutes les salles qui sont constituées en France font ce travail remarquablement. Donc on trouvait que c'était un peu du foutage de la gueule de la part du gouvernement de traiter les gens différemment. Installer un caddie peut-être. Installer un caddie, ouais, ou faites des concerts dans les meetings politiques. Et puis, c'est, voilà. Ouais, Julien Doré, je sais pas ce que t'as vu ce qu'il a fait. Ouais, ils sont plusieurs à avoir fait ça. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Bien vu. Donc, mais il y en a qui l'ont fait. Je sais qu'il y a, sur un des meetings d'un des lieutenants de Mélenchon à Rennes, il a pu être invité pour faire un concert. Eh oui. Bon, on va essayer de voir la bouteille à moitié pleine, ce que vous essayez de faire depuis un an et demi, même si des fois la bouteille, on a envie de la fracasser. Ouais. Y a une belle programmation qui arrive. Apparemment, la levée des restrictions devrait pointer un petit peu son nez. Ouais. Donc, on va annoncer des concerts ce soir. Annoncer des concerts qu'on a hâte de voir et d'entendre. Et il y a du beau qui arrive à l'Astrolabe et il y a même de la légende qui arrive à l'Astrolabe, puisque le 26 mars, il y aura Orchestra Baobab. Non, c'est reporté. C'est reporté. Oui, parce que ce groupe-là est un groupe, c'est une légende de 50 ans sénégalaise et qui de 50 ans de carrière. Hein, ils sont plus âgés, mais eux, quand ils tournent, ils viennent pas uniquement en France. Ils font une tournée européenne. Et jusqu'à présent, les salles et les pays, surtout les pays, ne fonctionnent pas de la même façon en Europe. Nous, on a de la chance, on a des concerts assis entre guillemets. Eux, en Allemagne et en Hollande jusqu'à présent, il n'y avait aucun concert debout et aucun concert assis. Donc, quand on monte une tournée européenne, s'il y a des dates où il ne se passe rien, ça coûte de l'argent. Et Orchestre Baobab, ils ne sont pas deux. Ils sont beaucoup. Ils sont un peu plus d'une dizaine sur leur route en prenant en compte les techniciens et techniciennes. Ça ne sera pas dans le club quand ça sera reporté Non, ça ne sera pas dans le club. Donc, c'est reporté vraisemblablement, je croise les doigts, au mois d'octobre prochain. D'accord. Voilà, mais on n'a pas de date précise. Alors, on en a causé quand même. On va peut-être écouter un petit morceau. Ah ouais, avec plaisir. Moi, je suis. Alors, qui sont pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'orchestre? Explique-nous. Orchestra Baobab. Quand je dis légende, je suis pas très loin. Non, c'est une légende même internationale et sénégalaise. Ouais. C'est des gens qui ont, alors tous ne sont pas encore en vie, mais une bonne partie quand même. C'est des gens qui ont entre 70 et 80 balais. Là, maintenant, certains enfants les remplacent, les leaders, puisqu'ils disparaissent. Qui ont été, il y a 50 ans, plus de 50 ans, à la demande d'un club discothèque de créer un orchestre pour animer ces soirées dansantes, etc. Et ils ont pu composer comme ça et composer en s'inspirant de plein de rythmes différents, des rythmiques traditionnelles sénégalaises, des choses de mento, un peu de mélange de tout ça, avec des très très belles voix, un jeu de guitare dont le guitariste leader est décédé malheureusement, mais qu'on reconnaît à 15 000, des très belles voix aussi. Et voilà, c'est un groupe qui a pu sortir de l'anonymat du Sénégal parce qu'il a pris ses lettres de noblesse. Au départ, c'était juste un orchestre qui accompagnait les bonnes soirées d'une discothèque. Ouais. Et en fait, ça a pris du poids et ça a joué au Sénégal, ça a joué en Afrique et ça a pu jouer effectivement en Europe, voire en international. Ils se sont fait une pause à un moment et il y a un producteur qui aimait beaucoup sa musique, leur musique, qui a décidé de ressortir les albums il y a quelques années, il y a une dizaine, quinzaine d'années, jouer par les trois quarts du groupe existant. Et voilà. Et maintenant, ils fêtent leurs 50 ans. 50 ans de carrière. Moi, je les ai vus il y a 15 ans. 15 ans à peu près, voire un peu plus, au New Morning. Je n'écoute... ils ont 3-4 albums accessibles. Et c'est super. Alors, quand on arrive sur la page Facebook de l'Astrolabe, il y a marqué les concerts assis, ça tient pas debout. Là, c'est vraiment le cas d'école, quoi. Concert assis, orchestre à Baobab, c'est un peu compliqué quand même, parce que ça bouge un petit peu. Ouais, ça bouge, c'est langoureux, c'est des rythmes traditionnels griots, donc c'est des trucs un peu, ouais, ça bouge, c'est plutôt une bonne ambiance. Et de manière, même si c'est des down tempo, des choses un peu, t'as envie de chalouper. Quelle que soit ta danse et quelle que soit ton arythmie ou pas, c'est une musique où t'as envie de pas rester inerte. Eux, ils sont tellement partageurs là-dessus. Alors, ils ont. J'ai passé un très bon moment. C'était un des événements du trimestre. Et ben, ça sera un événement du mois d'octobre. Avec plaisir. De l'automne prochain, on va se passer le morceau, un de leurs morceaux fétiches qui s'appelle Kellen Attilin, que Mathieu va nous traduire dans l'instant. Je ne parle plus Wolof depuis la dernière. J'ai décidé. Voilà. Ma mère, elle veut pas. C'est parti, vous êtes dans The Rocks, Orchestra Baobab, c'est un super teasing, quoi, on va dire. Merci. La bouteille à moitié pleine. Merci beaucoup. Hein, c'est maintenant, c'est dans The Rocks. Donc à venir dans l'Astrolabe sous peu, bientôt. L'automne, bientôt. C'est vrai que comme groupe de thé dansant, on a connu plus pourri. Ouais, et puis là c'est marrant parce que ils ont vraiment des répertoires super différents. Là on est plus dans le funk, chanté en wolof et puis avec quelques incursions de guitare et des sonorités un peu africaines. Mais il y a vraiment un répertoire super large, il y a des très très belles ballades avec des voix claires. Bon voilà, je vous invite à découvrir leur répertoire. Il y a 3-4 albums, c'est magnifique, c'est ça groove, c'est chaleureux, c'est chouette. Ouais. Bon, bah c'est à venir. Tu viendras ici même nous annoncer la date ouais. De report. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont maintenues. Alors tu vas me dire si c'est encore maintenu, mais il y a aussi une très très belle date qui arrive. C'est le 11 mars, et ça c'est Other Lives. Ouais, j'espère que c'est maintenu parce que eux ils sont américains, mais ouais. Oklahoma. Ouais, c'est ça. Donc, je croisons les doigts. Croisons les gars. Mais moi, c'est un des albums, le dernier album que j'ai le plus écouté pendant le confinement, puisqu'il est sorti en 2020, je crois. Ou à quelques mois après, ça va être ça. Hein. Et, je sais plus si 2020, ouais. C'est des belles orchestrations. C'est très, très bien joué, très, très bien chanté. Pour décoller, c'est pas mal. Ah ouais, c'est de la folk, pop. C'est tubesque. Ils ont 3-4 albums à leur actif. Je crois que et il y a eu là cet album-là. Là, j'espère que ça va leur permettre d'accéder à plus de dates, à plus de. Oui, ils le méritent. Ouais. Ils le méritent. Ouais. Ils avaient un autre album aussi que j'écoutais plus. Tous ne sont pas égaux. En tout cas, ça c'est un avis perso. Non, le dernier c'est le meilleur. Ouais, vraiment. Je sais pas, c'est leur style. Après, il y a des belles voix. C'est pas la même musique, mais moi j'ai la même réaction quand j'écoutais certains albums d'Arcade Fire dans un genre différent. Voilà. C'est pas étriqué. Non. Hein. Les grands espaces sont les premiers. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vraiment pour les amateurs de folk, de pop, mais avec des très très beaux arrangements. Americana aussi. Americana. Ouais. Des beaux arrangements, des belles voix. Voilà, les espaces lointains américains qui défilent, ça, c'est à écouter en voiture par exemple. Voilà, c'est de la dentelle. On va se passer un extrait, donc pour l'instant c'est maintenu à l'Astrolabe. C'est le morceau qui ouvre d'ailleurs le dernier album, il s'appelle Lost Day ce morceau, et voilà, moi aussi je vous conseille. Alors je ne l'ai jamais vu sur scène, je ne sais pas ce que ça peut donner sur scène, mais en tout cas l'album me donne envie d'aller voir ce que ça peut donner. Tu les as jamais vus sur scène? Non, j'ai vu des. Non, il y a des vidéos qui. Beaucoup de vidéos qui traînent, donc ça permet de voir à quoi ça ressemble un petit peu quand même. D'accord. Pas de boîte à rythme? Non, j'espère pas. Mais non. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in an outflow, but you know I can't find it. I'm on. La pop, super logiciel. La pop atmosphérique est voilà un petit peu planante de Other Lives. Je vous conseille vraiment l'album. Je suis d'accord avec Mathieu, il est très très beau cet album. Et donc ça c'est prévu le 11 mars. Ouais. Ce sera un autre temps le 11 ouais, mars. C'est ça. Alors si vous voulez des concerts vite maintenant bientôt. Tout de suite à l'Astrolabe. Le prochain, maintenu aussi, je pense, c'est jeudi 3 février. Ouais, il sera assis. On retrouve avec plaisir Antoine Villesmans, qui n'est autre que le chanteur des Girls in Hawaii. Les habitués de Don The Rocks et de l'Astro. Ouais, c'est ça. Girls in Hawaii, je crois qu'ils sont venus à chaque album à Orléans. Attends, chaque album était bon. Chaque album était bon. Ils composent très, très bien. Et là, petite accartade avec Girls in Hawaii, mais ils sont en train de composer, donc ils reviendront encore une nouvelle fois à l'Astrolabe avec leur groupe. Là, c'est un trio. Ils chantent beaucoup plus en français qu'en anglais sur ce trio-là. Surprenant. C'est plus épuré, ouais, plus intimiste, moins tubesque, mais bien composé. Et puis, belle voix. Belle plume. Des morceaux ouais, plus dépouillés, vraiment, beaucoup moins liants, etc. Mais pour l'avoir écouté plusieurs fois, cet album, on y vient et on l'écoute avec plaisir. Donc, ça va être une... Ça va être parfait. Ouais. Alors en concert, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner parce que morceau isolé après morceau, je trouve qu'il y a des très très beaux moments. L'album dans sa continuité peut être un peu ouais, un petit peu. Hein non, j'ai pas. Mais après, moi, je sais pas si j'arrive à être objectif avec Antoine Villesman, pour aller vers toi, c'est que il y a des morceaux qui m'ont moins touché au début, et en fait, sur la succession des écoutes, au bout d'un moment, ça passe. C'est cohérent. Album très cohérent. Ouais, c'est ça. Oui. Et il y aura un autre personnage que j'aime énormément, qui est un Suisse qui s'appelle Willy Jucker, qui fait tellement de choses qu'on a du mal à comprendre tout ce qu'il fait. La première fois, il est venu avec Cold Guns, qui est pas du tout de la folk, pas du tout de la pop, qui est plutôt un groupe qui fait du bruit, animé par ses musiciens et musiciennes suisses également. Il revient avec le même groupe, mais pour faire de la folk, que j'ai découvert à Roubaix cette année. Oui, c'était bien Roubaix, dans le cadre du festival Crossroads. Il est très, très drôle, par ailleurs, entre les morceaux. Il a un humour mais décapant. On s'aime beaucoup. Il est suisse. Et il a également... Alors, l'album qui vient de sortir, c'est lui tout seul à la plume, à la guitare, avec peut-être quelqu'un qui l'accompagne. Là, ils sont cinq sur scène. Ah, donc ça ressemble pas à l'album, du coup. Ça ressemble pas du tout à l'album. Il n'y a pas d'enregistrement de cet album, de la version à cinq personnes sur un album. Vous pouvez trouver des vidéos, mais il y en a très peu. Il n'a pas abusé des concerts ces derniers temps, il n'est pas le seul. Et pour le coup, lui, il vient, je suis content de l'accueillir. Et c'est aussi quelqu'un qu'on a vu déjà avec Emily Zoé, qui est une Suissesse qui est venue à Orléans, qu'on avait invitée, qui va sortir un nouvel album qui est pas encore dévoilé au public, mais qui est magnifique. Je le note. Ouais, qui va venir dans un festival qui a lieu mi-septembre prochainement, je pense. Et Louis Jucker sera également de la partie, puisque c'est lui qui donne un coup de main à Emily Zoé pour composer ses albums. D'accord. Et les réaliser. Donc content d'accueillir ce plateau. C'était pas le plateau prévu hein, parce que c'était Chad Van Galen qui était prévu. Annulé. Américain. Donc je ne viens pas. Américain, je ne viens pas. Anglais, je viens plus beaucoup. Anglais. Brexit. Anglais, c'est pas le Brexit. C'est que le problème, c'est plutôt les interdictions de part et d'autre de chaque pays de sortir du territoire si on n'a pas des motifs impérieux et d'y rentrer également. Ah ça, c'est Covid. C'est pas Brexit. Oui, bien sûr. D'accord. Brexit, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a aux artistes anglais, aux producteurs anglais, et sûrement à nous puisque voilà, ils reportent la facture et c'est pas des philanthropes. Et mais par ailleurs, ça va pas. Les musiciens anglais ont envie de jouer, ont envie de faire des concerts en France comme d'habitude malgré le Brexit. Mmh. Ça changera pas. C'est plus de paperasse pour les Anglais, vraiment. Et plus de paperasse pour les rares Français qui vont en Angleterre également. Mais là, c'est plus Brexit. Et je sais pas si ça perdure, parce que j'en perds. Les règles se succèdent, ce sont pas les voilà. Donc j'espère qu'on accueillera les rares Anglais qui sont prévus jusqu'à fin mars. Bon, niveau belge et niveau suisse, pas trop de problèmes. Non. Donc je te propose qu'on se passe deux morceaux. Le morceau de ce double plateau. On va commencer avec Antoine Willman. C'est ce morceau qui donne envie de rouler de nuit mais en revenant de la plage. Et avec sa chérie qui dort sur le siège d'à côté. Ça serait impeccable. Ça s'appelle Cell. Et juste après, Louis Jucker avec To The Origin. Alors ce morceau, To The Origin, qui clôt son dernier album. Ouais. Ça te fait penser à qui? Ça, tu vois que le morceau, on va se le repasser. Ouais, on va se le repasser. Moi, je le repasse, c'est juste après. Moi, ça me fait énormément penser à quelqu'un. Juste avant d'envoyer ça, tu disais que c'était des artistes qui n'avaient pas abusé des concerts et c'était pas les seuls. Et effectivement, est-ce que tu sens que sur les artistes que tu as pu croiser quand même malgré tout, est-ce que tu sens que justement, comme les concerts se raréfient, est-ce qu'il y a une joie de jouer et une excitation qui est supérieure à la moyenne par rapport à avant le Covid, ou est-ce que il peut y avoir une fatigue ou comment tu les sens, les artistes ? J'en ai pas rencontré beaucoup. J'en ai rencontré moi, la sensation que j'ai eue, c'est que quand j'étais à a été essentiel pour avoir discuté avec les membres de Feu Chatterton. Ils étaient ravis de retrouver les concerts. Ça faisait 3-4 dates qu'ils refaisaient des... Et ils étaient vraiment ravis et ils étaient contents de retrouver le public. Et plus contents de ça que de s'apesantir sur l'année et demie qui venait de découler. Voilà. Sarah McCoy aussi, hein, je te confirme. Il faut aller de l'avant. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, c'était leur dynamique. Content aussi pour le festival au pop-up, parce que beaucoup n'avaient pas pu jouer, parce qu'il y avait très peu encore de festivals. Il y avait des formules assises, il y avait des... Et nous, comme on était en septembre, on a pu tout faire debout. Voilà, improbable aussi, encore une fois. Là, c'est content de se retrouver, content d'échanger, des Anglais qui hallucinaient, des étrangers qui hallucinaient qu'ils puissent faire des concerts en France, voilà. Et eux, sachant qu'ils pouvaient pas forcément en faire chez eux. Voilà, ravi de faire la musique, faire leur métier, ravi de croiser des gens, d'échanger avec des techniciens, des techniciennes, les organisateurs, voilà, leur métier quoi, le faire correctement et normalement. Mmh. C'est ça. Après, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont été. Alors, tous les artistes n'ont pas composé pendant cette période de confinement qui a duré près d'un an et demi, mais c'est certains oui, et donc on se retrouve avec un nombre de sollicitations improbables. Ah oui. Un goulot d'étranglement qu'on va pas pouvoir assurer nombreuses propositions qui sont super intéressantes, mais le nombre de dates reste les mêmes à l'Astrolabe et voilà. Partout dans les autres salles. C'est pas élastique. Non, il y en a qui vont rester sur le, ouais, qui vont pas pouvoir avoir autant de dates que d'habitude. Donc soyons patients. C'est compliqué hein, parce que ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas joué. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont rester sur le carreau, voilà, parce que quand tu peux pas en vivre et tu peux pas faire ce qui t'anime et dont c'est ton boulot depuis un an et demi, où tu dois attendre 6 mois supplémentaires avant que ça soit ton tour. Bah voilà, tu peux changer de travail, tu peux changer, ce qui est légitime. Hein. Voilà. Mais les gens sont ravis de refaire leur boulot et de donner signe de vie sur scène et de rencontrer un public, quoi. C'est ça l'essentiel. Mmh. Bon, alors eux seront en concert donc assis. Voici donc Antoine Wilmans avec Sel. Voilà, imaginez donc des filles qui viennent d'Hawaï et qui sont endormies avec du sel sous les paupières. Ça donne à peu près ça. Sécher les parfums douloureux dans J'ai toujours pas compris comment marche le logiciel, c'est pas très grave. À l'instant, donc, c'était Louis Jucker avec To The Origin, et je crois que Mathieu a été d'accord avec moi. Ça fait penser à Mathias Ten, ouais. Ce morceau. Ouais. Ça ressemble. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Ça ressemble pas mal. D'ailleurs, Mathias Ten, qu'est-ce qu'il devient ? On sait pas. Je sais pas, je l'ai pas croisé depuis longtemps. Ouais. Voilà, est-ce qu'il est en train de composer des trucs ? On sait pas. Je sais pas. Bon. En tout cas, ça, on n'a pas annoncé la date, donc je vais te laisser le faire maintenant. Alors, je vais le faire. Alors, c'est jeudi prochain. C'est jeudi prochain, c'est le voilà. 3 février. Voilà, c'est juste chercher le chiffre qui correspondait au jour, mais voilà. C'est dans le club ? Non, le club, on peut pas puisque on c'est assis. Ah oui, mais oui. Donc on met des chaises coquées, plastiques, marron, prêtées par la ville d'Orléans, de plus bel effet, devant la grande scène, et voilà. Et on profite de la grande scène et des concerts comme ça assis. Puis après, vous pouvez boire un verre dans le bar, mais assis, puisqu'on a remis des chaises et des tables sur la scène du club et dans le club. Ok, bien. Voilà. Okay. On va continuer avec un concert qui, lui, normalement, devrait avoir lieu également. Ce sera à la fin du mois de mars, le 31 mars. Et c'est des jeunes gens, non. Mais des gens restés très jeunes qui sont déjà passés à Au Pop Pop. Et c'est les Limignanas. Ouais. C'est pas des gens jeunes. Ils ont plus de 50 ans. Et puis ils sont associés pour l'occasion avec quelqu'un qui a 56 ans, qui s'appelle Laurent Garnier. Ouais. Ils sont rencontrés grâce au festival qu'il organise avec ses amis du côté de Loup-Marin, dans le Luberon, qui s'appelle le festival Yé. Et où Laurent Garnier fait de l'accueil. L'accueil artiste fait aussi DJ, mais bénévolement, il donne un coup de main, il est dans le fer dans ce festival-là, dans une petite cour de château, super mignon, j'y suis allé une fois. Et ils se sont rencontrés au festival, ils ont plus, parce qu'ils étaient programmés, les Liminanas, ils ont plus parlé de bouffe que de musique ensemble. Ils sont devenus très très proches et amis, et ils ont commencé à un moment à parler musique. Et ils ont eu tout le confinement pour accoucher de cet album-là. Et c'est un album où 60% des compos résultent de Liminanas. Ouais. L'idée de Laurent Garnier, c'est pas de mettre un pied techno par-dessus le rock de Liminanas, mais c'était de contribuer à la production et à la réalisation, ce qu'ils ont fait très très bien. Ah, ça sent plus le Liminanas que Laurent Garnier. Ouais, ouais, mais c'était le propos. De toute manière, je vois pas comment, voilà, Liminanas, eux, faut que savoir que c'est un musicien, Laurent Garnier, en plus d'être un DJ, mais c'est aussi quelqu'un qui peut faire de la production. Et là, voilà. Et je pense que c'est plus là où il a intervenu. Voilà. Et l'album est sorti il y a quelques temps. Nous, on les a accueillis il y a 3-4 ans à Hop Hop Hop. Au départ, Liminanas, c'est quand même un groupe de rock. Ouais. C'est moins rock qu'avant. Ça, c'est un peu plus calme et tranquille. C'est plus paisible que les premiers moutures où c'était plus rock garage qui rentrait dans le. Voilà. Avec le temps, ça s'est calmé, mais ça reste chouette. Ça a séduit un plus large public parce que quand on faisait garage, ils n'étaient pas très nombreux devant les concerts des Liminanas. Et là, depuis 3-4 ans, 3-4 albums, et bah, ils ont rencontré un public qui leur ouvre plein de salles et plein de festivals. C'est chouette. Ils ont rencontré plein d'artistes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de featuring. Une actrice notamment. Une actrice notamment. On va se passer ce qui a été un petit peu leur petit tube de l'été. Ouais. Ça s'appelle Kekalor, avec Eddie Pistolas, qui je ne connais pas moi ce monsieur Eddie Pistolas. No conosco. Et il parle espagnol. Il est formidable. Ça s'appelle donc Liminanas. Ça sera, c'est maintenu pour l'instant, ça, le 31 mars. Ouais, c'est maintenu. Et ben, c'est une bonne nouvelle. C'est parti. Salut, c'est les Liminanas sur On the Rocks. Oye, oye, perro guarro. Los cojones, ¿me oyes? Oye, tú, ven a mí. Sal la mirada. Había estado bailando dos o tres horas sin parar. Vamos, vamos, perro, perro, güerito. Trae tu cuero, que quiero verte y olerte. La miraba, pero no la veía. Había estado bailando dos o tres horas sin parar. Cosa que hace con frecuencia. Porque adora el baile. Que sube la temperatura del cuerpo, se hace difícil respirar. No era la primera vez que le pasaba. Sentía su cuerpo extasiado. No probaba bocado desde dos o tres días. El vértigo, la mandanga, las pastillas, la fiesta. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, qué calor! ¡Qué calor en la disco! Había estado bailando dos o tres horas sin parar, cosa que hace con frecuencia porque ella adora el baile. No probaba bocado ça assis, ça risque de pas être simple non plus. Hein, assis, ça risque de pas être simple. Non, bah oui, ouais, c'est des concerts, où il fallait garder du sens à maintenir debout et puis pas les mettre assis. Ça fait partie des Milanas, Orchestra Baobab et bien d'autres. Ouais. On est bien d'accord. Ça, ce sera donc à venir à l'Astrolabe. Si vous aimez ces boucles un peu hypnotiques, rock'n'roll, avec une batteuse qui n'a pas de cymbales, pas de, voilà, hein. Ce sera donc le 31 mars prochain. Une nouvelle qui m'a un peu attristé. Le monde des concerts orléanais a été riche ces dernières années. Il y avait un endroit qu'on aimait tous. On aimait tous s'y retrouver avec des magnifiques souvenirs. C'est la Sardine qui jette l'éponge. L'équipe jette l'éponge et puis l'équipe part avec le nom de la Sardine. Ouais. Et une autre équipe les remplacera pour sur ce lieu. Ah d'accord. Ouais, ils ont fait la ville a fait un appel en candidature pour succéder à la structure orléanaise composée de ces cinq amis par ailleurs qui ont monté cette structure, qui ont répondu à un appel d'offres, pardon, suite à la ville d'Orléans. Ça faisait un peu plus de, je sais pas, 7-8 ans, 9 ans qu'ils faisaient ça. 9 ans, ils fêteront pas leurs 10 ans. Non, voilà. D'accord. Et donc l'équipe de la Sardine va vers quoi? Va vers leurs activités individuelles et respectives. D'accord. Voilà, je pense pas qu'ils reprennent quelque chose. Ils ont peut-être un projet, mais je les ai pas rencontrés, j'ai pas eu le temps d'échanger beaucoup avec eux. Okay. Donc le lieu existera toujours avec une nouvelle équipe. Ouais. Et toujours de la programmation musicale. Je pense que c'est dans le cahier des charges de la ville. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient posté et comment, voilà. Mais je pense que c'est dans le cahier des charges de la ville. D'accord. Bon, il y aura toujours des concerts. En tout cas, merci à toute l'équipe de la Sardine qui s'envole vers des nouvelles aventures parce que on a eu quand même des sacrés beaux moments et ça a été un lieu assez magique, quoi. Ouais. Moi, j'y ai passé du bon moment, essentiellement en tant que public. Ouais. À part cette année là, l'année qui vient de s'écouler, on a collaboré sur 5 dates, donc ça c'était chouette. Il y a eu des déj. Jupiter and Oquest, c'était là. C'était pendant au pop-up. C'était au pop-up, c'était bien à la Sardine ça. C'était à la Sardine, on a fait Dan San aussi à la Sardine. Ouais. C'était des brunchs avec où on pouvait se réveiller, prendre un petit déj, un café ou un brunch selon l'heure du réveil et puis écouter de la bonne musique avec la Loire comme décor. Il y a pire comme histoire, comme québécois. Et non, c'est chouette. Plein de collaborations avec des troupes de danse qu'ils ont fait. Ils ont programmé, une quinzaine de groupes chaque année avec des belles découvertes, des choses qu'on avait l'habitude de voir mais qui sont passées par la Sardine parce que c'était un bon moment, quoi. La dernière fois que j'y étais, c'était les Sukhoi avec un beau concert. Ouais, c'est bien. De retour, beau concert avec du monde. Et puis, pour avoir interrogé l'intéressé après son passage à la Sardine, ça reste un de ses concerts favoris. Il était absolument emballé. C'est Yarol Poupeau qui a donné un concert absolument fantastique là. Et je l'avais rencontré ensuite au Château d'Eau. Il me disait que là, c'était absolument fabuleux comme endroit. Donc voilà, c'était un bel endroit. Donc merci à toutes les Sardines. Pour ces belles années, on revient à l'Astrolabe, qui là est toujours debout et solide, avec un groupe là, ça va pas faire dans la dentelle non plus. Je dépasse un peu le mois de mars, ça te dérange pas ? Non. Et ben voilà. Donc ça sera le 8 avril. Un groupe que j'ai vu moi à Rock en Seine il y a quelques années, ça envoyait bien du boudin. Ouais. Ça s'appelle MNNQNS. Menkins. Voilà, Menkins. Groupe français, comme son nom l'indique, de post-punk, de rock, d'une énergie assez démentielle, comme il y en existe beaucoup actuellement en France. Là, il y a plein de nouveaux groupes français qui débarquent dans ce genre-là. Un peu énervé. Vraiment énervé. Et voilà, moi aussi, je les ai vus. Là, ils viennent de ressortir un album. Là, quelques temps. Mm-hmm. Ça dépote comme j'ai juste à, je vous demande juste d'écouter ce que Manu va vous proposer. Ça parle de même. Et c'est le dernier morceau qu'on se diffuse. Ça, c'est le concert sera dans le club, l'histoire d'être encore plus. Dans la joie, la bonne humeur, je pense que c'est le début c'est pas le début du groupe, mais voilà. Je pense qu'on jettera pas au grand monde dehors, ou en tout cas, si c'est le cas, on passera dans la grande salle, et ça sera une bonne surprise, mais parfois, vaut mieux être les uns sur les autres dans un club et écouter du rock qu'être perdu dans une grande salle. Si vous aimez le rock'n'roll, les décibels et l'odeur des aisselles. Oui. Il faudra être le 8 avril. Ce sera donc dans le club à l'Astrolabe. Et voici Menkins donc avec Full Circle Back. Je crois que c'est leur dernier morceau. Je dis peut-être une bêtise. Je connais pas l'album dans l'ordre par cœur. Je le dis, alors personne ne va me contredire. Donc je le dis. C'est parti. Minkins dans The Rocks avec Full Circle Back. Oui, c'est bien le dernier single sorti au mois de décembre dernier, début décembre. Et ça, ce sera donc à l'Astrolabe le 8 avril prochain. Alors, il y a un groupe que je ne connaissais pas, et c'est vraiment le bonheur de l'Astro depuis des années, c'est de me faire découvrir des choses dans la prog et de me dire « Oh là là, ça c'est bien, j'ai jamais entendu, c'est super ». Ça sera le 1er avril. Imaran. Imaran. Alors ça, ça m'a enchanté. Ouais. C'est pas si loin de Pierre Facchini sur ce qu'il fait en ce moment. Ouais, c'est pas si c'est Pierre Facchini, c'est Tinari Wen, c'est ouais. Ces univers-là. C'est les filles d'Iligadad, c'est des mélanges de musique traditionnelle de leur pays d'origine et puis l'association de d'autres influences folk américaine, folk française, voilà. Et c'est un mélange de tout ça qui est assez bien digéré et il y a un nouvel album qui arrive. Content de les accueillir à l'Astrolabe aussi. J'aime bien ces croisements-là de musique quand c'est bien réussi et qui se nourrissent d'un peu de leur parcours, de leur voyage en fait. Ils ont leur racine musicale et puis sur lequel ils additionnent pas mal de choses. C'est plutôt une réussite. Ouais. Groupe récent ? Groupe, non, pas récent. Il a déjà 2-3 albums, ouais. Ouais, parce qu'on m'avait déjà sollicité il y a quelques années. Et ouais, je pense que je sais qu'il y a 2-3 albums. Après, je sais pas depuis combien de temps ça existe précisément. Voilà, ça, moi, c'est une sacrée découverte. En particulier, ce morceau qu'on va se passer qui s'appelle Ashinkad. Je sais pas si je prononce bien. Et donc ça sera le 1er avril à l'Astro, grande salle j'imagine. Ouais. Et voilà, ça c'est vraiment une belle découverte. Donc sur scène je les ai vus mais il y a très longtemps, donc depuis je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Alors c'est à un moment ça part par plusieurs états en fait, assister à un concert d'Imaran et comme d'autres comme Tinari Wen aussi, un groove langoureux qui s'installe et une espèce de transe au final qui après ce groove qui vient. Ça derviche un peu quoi. Ouais, ça derviche un peu. Là, il y a quand même beaucoup plus de rock qu'on peut retrouver sur Imaran qu'il y a sur les compositions de Tinari Wen. Donc on est sur des accords de rock traditionnels. Donc non, ça joue, c'est chouette. Bon, on n'est pas dans une ambiance inuite du tout. Non. أشل إدفو ونقلوني مرهاني تهض إدلو ونضون ترنيت شل إدفو ونقلوني مرهاني كاني عشرنيت الغفية باستلاجة شنجاني مش هشوار تمظل لجو ترى هنيت اوين داغ مش هشوار تمظل لجو ترى هنيت اقيم الهين ما غدر هنيت والهين ما غي ترى هنيت On the Rocks, ça va être un beau moment. Ça. Ouais, le blues, blues Touareg qui bah voilà, qui sont nés, qui leur sous inspiration, c'est quand même Tina Owen qui est un peu les porteurs de cette musique là, et qui est né à travers les dunes entre le Mali et l'Algérie en fait, puisque c'était des Touareg tous ces musiciens là, ouais. Et qui le sont encore pour certains, hein, parce qu'il y a et ça bouge encore un peu. Ouais, ça bouge un peu. Et puis c'est leur, ils y tiennent malgré la volonté d'être sédentaire pour certains. Mais au Mali, on bouge, mais parfois on fuit aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Les guerres civiles qu'il y a là-bas. Ouais, c'est pas que de la randonnée. Hein, pas que de la randonnée, non, en ce moment. Voilà, mais voilà. Et là, à chaque groupe, parce qu'il y en a plusieurs des groupes. Les filles d'Iligadat, c'était du Niger, mais c'était aussi cet état d'esprit-là, plus percussif, moins de rock derrière tout ça. Mais chacun apporte sa petite patte au final. Et c'est chouette. Ouais, c'est pas tout pareil. Hein. Non, pas tout pareil. Et puis j'en profite pour te remercier du concert. Alors ça fait un moment maintenant, hein, c'était l'été essentiel, mais de Bénin International Musical, ouais. Qui a été vraiment un grand moment. Et sur scène, c'était vraiment très très bon. Ça. Prépare un nouvel album, les garçons. Ouais, et les filles. Et les filles. Avec leur jolie coiffure rose. Ouais, les garçons, les filles, ouais. Ils sont, on est en contact avec leur le réalisateur qui est français, qui habite à Angers, qui a constitué ce groupe-là, et puis qui a voilà. Mais ouais, c'était super. Ah, c'était super. Je te propose deux petits morceaux maintenant qui ne sont pas dans la programmation. Oui. Alors avec un groupe qui nous vient de Brooklyn, qui sont des Stakhanovich du rock'n'roll, puisqu'ils sortent, enfin du rock'n'roll, de la folk, on ne sait pas trop, et qui plutôt de la folk d'ailleurs, qui sortent en gros deux albums par an quand la chanteuse Adrienne Lenker, elle, ne sort pas son album solo entre deux albums. On se demande où ils trouvent une telle inspiration, surtout que les derniers singles qu'ils viennent de mettre en ligne ces derniers mois sont absolument fabuleux et plus réjouissants les uns que les autres. Je crois, si ma mémoire est bonne, mais souvent elle me joue des tours, que tu avais eu comme une idée de les programmer à Hop Hop Hop, c'est Big Sif. Ouais, c'est ça va être plus compliqué maintenant parce qu'elle a pris ça a grossi un peu ouais, mais je l'ai vu en concert à This Is Not a Love Song, un concert à Nîmes, un festival à Nîmes, c'était magnifique, ouais. Alors voilà, je vous propose donc le dernier morceau, l'avant-dernier pour moi dans mon top best of 2021, mais en tout cas ce morceau là qui vient de sortir il y a quelques heures, on va dire, Simulation Swarm, et voilà, ils sont dans une sorte d'état de grâce là sur les derniers morceaux. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis juste derrière, je te dis pas qui c'est, tu vas reconnaître à la voix normalement. Et quelqu'un qui me fait plaisir de retrouver sur son dernier album, qui est un de ses meilleurs à mon avis, qui vient de sortir également. C'est pour toi Mathieu, pour tes petites oreilles délicates. C'est parti, voici Big Sif, Simulation Swarm, c'est dans The Rocks. To tell you, I didn't know where to stay. You believe she can see through, cutting at the silent clay. A relief, back in deep blue, fettered in the magnet sun. Eat the gun as it feeds you, spitting up the oxygen once again. Once again, empty horses. Through the violet door, follow red, crooked courses, shadows on the moonlit floor, all my stars, winged creatures, gathering in silken height, like the last human teachers. Once again, we must play new, even as the hours shake, crystal blood, like a dream true, a ripple in the wound and wake. You believe, I believe too, that you are the river of light, who I love. In the belly of the empty night, from the 31st floor of the simulation swarm, where the drone of fluorescence, liquor, fever, fill the form, with a warm dash, no one touch like we never could before. I'd fly to you tomorrow, I'm not fighting in this war. I wanna drop my arms and take your arms and walk you to the shore. Swallows in the windless field, very thin, with your mother, tall as a pale green tree, fairy world, bright as winter, rising with a prison key, and a child to deliver, taken with the blood and vine as the first little angel. Tight and keep me warm all through the night. les oreilles aguerries auront évidemment reconnu Hills, tiré de son dernier album. Hein, c'est bien ça, toujours. Ouais, toujours. Toujours bien, le dernier album est vraiment très très bien. J'avais été un peu déçu lorsque je les avais vus en concert. Enfin, je l'avais vu, parce qu'on peut dire que c'est un gars quand même. À Rock en Seine, prestation un peu décevante, probablement éthylique. Mais en tout cas, sur album, c'est toujours assez magnifique. Et là, c'est un des morceaux les plus apaisés de l'album. L'album est très guitare et très rentre-dedans, comme à ses premières amours. Je vous conseille vraiment de fondre sur cet album de Hills. Et puis, on attend l'album de Big Sif avec beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, je l'attends beaucoup d'impatience. Simulation Swarm, morceau sympathique, n'est-il point. Ouais, c'est beau. Nous sommes avec Mathieu qui vient de dire c'est beau. C'est marrant la façon dont elle a de chanter. On a l'impression qu'au départ, elle est d'origine scandinave, en fait. Ouais, parce qu'elle a des, elle a un accent, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Personnalité assez fascinante d'ailleurs. C'est Adrian Lenker. On est dans The Rocks pour encore quelques minutes où on se passe en revue cette programmation de l'Astrolabe qui flamboie tant qu'elle peut vu les conditions actuelles. Il y a quelques dates dont nous n'avons pas parlé et que tu aimerais que nous évoquions ici. Alors ouais, il y a des dates qui ont été reportées, qui avaient lieu la semaine dernière et qui ont été reportées. C'est celle de Joker pour les amateurs de hip-hop. Ouais. Le pauvre, lui, c'est pas la première fois qu'il s'est reporté. Non, elle s'est reportée le 7 mai avec Leroyd. Okay. et La Rue qui est à nous, qui un jeune groupe qui monte, qui était prévu la semaine dernière aussi, qui est reporté le 22 mars si je me trompe pas, mais regardez le site internet de l'Astrolabe. Des groupes qui est à nous, c'était complet. Oui. Joker, c'était pas loin d'être le cas aussi. Et puis des groupes qu'on a supprimés de la programmation, que vous reverrez pas en tout cas avant leur prochaine venue en France, mais il n'y a pas de report. C'est Clone Nothings, qui est groupe américain de punk rock garage. Un très beau plateau pop folk qui rassemblait Lael Neal et Anabis Savage. Mm-hmm. Deux charmantes voix et deux belles voix, l'une américaine, l'autre anglaise, dans leur style vraiment différent. Vraiment différent. Et une voix, alors c'est laquelle, je sais plus, qui a une voix qui pourrait évoquer Lisa Gerrard avec une voix presque d'opéra. C'est Lael Neal, ça. C'est vrai, incroyable. Voilà. Ouais. Ça, on le verra pas. C'est malheureux parce que c'était. Je me réjouissais de les voir dans le club, par exemple, pour le coup, ouais, pour les petits formats comme ça. Ouais. Un très très bon groupe de rock, moi qu'on a déjà fait au Pop-Up il y a en 2019, qui a joué la même année où Squid a joué. Aussi surprenant que Squid, vraiment. On a beaucoup de post-punk qui viennent d'Angleterre. Il y a plein de choses qui sont apparentées à Divo et à toutes ces belles années-là et ces influenceurs-là. Et puis, il y en a d'autres qui sortent du lot et qui sont plus singuliers et qui ont, voilà. Lys et Squid en fait partie. Lys revient avec un album, un long album qui est super bien. Et puis, pour première partie, c'est Migal, un duo. Et parmi lequel il y a un ancien collègue de l'Astrolabe qui a fait les beaux jours de l'Astrolabe au bar et puis à la prod, qui a joué dans plein de groupes hors l'année, qui est parti à Tours et qui a un duo punk, garage, post-punk, donc guitare, basse, et puis toutes les batteries sont jouées ensemble, voilà, sur des patterns. Donc c'est l'occasion de voir cette nouvelle formation qui s'appelle Migal. Quoi d'autre à dire, nous allons repartir sur un format été essentiel mais plus court, au mois de juillet, bonne idée. Que la ville va mener et puis va, voilà, et donc on a vous êtes partie prenante, on sera partie prenante, plus court parce que c'était long. Non, c'était pas long, mais c'était une forme exceptionnelle, aux moyens exceptionnels, puisque nous avons vécu une période de disette de concerts, donc la ville avait, c'était quasiment plus de 10 jours. Ouais. Là, ça va être sur une semaine du mercredi au dimanche, voilà, concentré. Composanto, toujours. Ouais. De propositions croisées ou pas, avec Centre chorégraphique national, ouais, le CDN, la scène nationale. Bien. Allez, peut-être le cadeau, peut-être d'autres. La ville. Aucune affiche à annoncer. Non. Rien. Non, rien à annoncer. Non, vous n'aurez rien du tout. Et puis, au Pop-Up, on est dessus. Et Gamin, c'est la 10e année. Donc, ça veut dire que les petits de la première, ils ont 14 ans, 15 ans maintenant. Ouais, ils auront la moustache. Oui, ils viennent plus à Gamin. Ils viendront, mais ils joueront entre eux. Et puis, ils écouteront leurs petits frères ou ils diront papa, quand est-ce qu'on rentre? Au moment, quand est-ce qu'on rentre? Tu me passes les clés de la bagnole. Ouais. Non, mais ça peut rigoler à 14 ans, mais globalement, ça les concerne moins. Ils reviendront quand ils seront parents. C'est ça. Voilà. J'espère que le gamin se portera bien à ce moment-là. Bon, bref. Et voilà, quoi d'autre? S'il y a peut-être des choses, mais là, je m'en souviens pas, parce que généralement, il n'y a pas d'exclus. Déjà, la programmation est annoncée sur le site de avril à juin, avec tous ces reports. Il y a le Hellfest qui passe par là. Festival du côté de Nantes et qui fait une tournée dans beaucoup de salles françaises, agrémentée d'un concours de air guitare et puis animé par le batteur de Microfilm, qui était un groupe de post-rock un peu cinématographique là, et dont lui, le batteur, est une bonne machine à conneries, un bon animateur. Il fait ça depuis des années et il y prend goût à agrémenter de gros concours de métal et de air guitare. J'aime les machines à conneries. Ouais. Et voilà. Et à suivre, plein d'autres choses vont venir. Et de la vie, du live. Ouais, du c'est vrai, ça. Debout, énervé. Oui. Et ben voilà, on y croit. On va terminer l'émission avec deux morceaux. Il n'y aura pas d'émission pendant 15 jours dans The Rocks. Petit repos et ensuite je reviens remonter à bloc. Je te propose La Rue qui est à nous en concert, tiré de leur dernier album live qui est sorti 2021, je crois. Sûrement. C'est ça. T'as le gars. Et juste après, un petit Nada Surf quand même, puisque ouais. Nada Surf, là, voilà, dans l'interview on The Rocks, ça sera la quatrième fois, si j'arrive à la faire, que je les rencontre, ces gars-là, depuis la création d'On The Rocks. Donc ça me fait plaisir de les revoir et de les interviewer. En plus, ils parlent français, ça m'arrange. Et donc, ce sera au mois de juin. Oui. Ça va être un grand plaisir. Et puis, tu vas écouter, je crois que je t'avais déjà diffusé, mais ce morceau de Nada Surf, qui n'est pas de eux, c'est une reprise, mais c'est spécialement pour toi, car je crois que tu aimes bien, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci beaucoup, monsieur Dufaux. Merci, à bientôt. Et bon courage, on pense à vous. Dès qu'il y a des petites annonces dans un sens ou dans un autre, souvent, on pense à vous et on se dit, on est là. Ouais, merci à vous. On est là et venez voir les concerts pour les artistes, pour les spectacles vivants. Ouais, venez vous mobiliser, ça se passe bien. Et on voilà, il y a encore les gens reviennent pas forcément automatiquement là, on a du non, mal un peu oui, un peu bizarre. Bon, voilà. Alors ça revient dans les théâtres. Ça revient dans les théâtres et dans les concerts, parfois c'est plein, mais il y a 100, c'est marrant là, il y a des concerts qui étaient pleins où il y a 100 à 150 personnes qui ne viennent pas, qui ont payé leur place. Voilà. Ah oui, donc, c'était franche. Hein. Ouais, bah les gens, voilà. Les gens fouettent. Les gens ont oublié qu'il y avait des concerts. Les gens ont développé des loisirs autrement. Je ne saurais dire, mais on va mettre du temps à retrouver tout le public. Ouais. Et bah revenez et tenez bon à l'astro. On est avec vous. Merci pour ce que vous faites. La rue qui est à nous. The Coucou, c'est tiré de leur live 2021, juste après Nada Surf. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours pour On The Rocks avec plein de nouveautés. Là, j'en ai plein d'amusettes. Donc, ça sera gorgé. Et bah, bonnes vacances. Merci bien. As she goes, walking by, yeah. Oh, it's a cocoa, she's a pretty girl, as she flies, she never, hey, cocoa, say the cocoa. So you ask yourself,